Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour, bonsoir, bienvenue vous qui nous écoutez pour ce nouveau numéro de Ludologie. On se retrouve comme tous les 15 jours, mais surtout on se retrouve comme l'année dernière, puisqu'on refait une double session un peu au nord de Rennes, chose que nous avions fait déjà par le passé, avec les deux mêmes invités. Vous les connaissez peut-être déjà si vous êtes intéressé par le jeu vidéo. Il s'agit de Yann Chauvière, plus connu sous le nom de Cœur de Vandale sur les internets, comme disent les jeunes, et puis de Dorian Chandelier, plus connu sous le nom de Le Petit Gros sur les internets, que vous avez probablement déjà vu dans les vidéos publiées par Nesblog, hein, puisqu'ils font partie de cette structure qui publie un certain nombre de vidéos sur le jeu vidéo, notamment pendant longtemps en partenariat avec jeuxvideo.com. L'année dernière, nous avions parlé notamment de l'usage des mathématiques et de la maîtrise des mathématiques en tant que joueur, et puis de la relation aux médias la relation des jeux aux médias. Aujourd'hui, pour cet enregistrement, on va défricher deux autres sujets. Alors, ça fera l'objet de deux podcasts. Le second, on vous le dévoilera dans 15 jours quand vous écouterez le prochain numéro. Mais pour ce premier, on va parler difficulté. La difficulté en jeu, est-ce un mal nécessaire ? Il est de coutume d'avoir des niveaux de difficulté plus ou moins élevés, d'avoir des jeux plus ou moins difficiles. En soi, le jeu, c'est souvent un challenge. Mais on a voulu se poser la question de est-ce que c'est si naturel que ça ? Est-ce qu'on peut faire des jeux sans difficulté ? Est-ce que des fois, il y a trop de difficultés ? Comment est-ce que ça se dose ? Par rapport à qui on le fait ? À quoi ça sert ? Comment ça peut être aussi un marqueur social de joueur d'être capable de dompter des difficultés plus ou moins élevées ? Ça pose beaucoup, beaucoup de questions. On va commencer avec une question simple et puis je vais la proposer à Dorian. Est-ce que tu aimes les jeux difficiles et qu'est-ce que tu qualifies comme un jeu difficile ? Ouais, c'est ce que j'étais en train de réfléchir en même temps que tu faisais ton blabla. sans mépris aucun pour le truc, c'est que tu étais en train de parler et je réfléchissais en même temps. Déjà, je vois qu'il y a une attitude des joueurs aussi qui est presque une attitude comme les parents face à l'école, à dire que le niveau baisse, que les jeux deviennent de plus en plus faciles, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu cette sensation-là, mais je pense que c'est pas que le niveau baisse ou une question de difficulté, c'est aussi une question de à quel point le jeu te prend par la main et te contraint à suivre ce qu'il a prévu de faire, ou est-ce que le jeu te laisse découvrir par toi-même ? Parce qu'il y a aussi une forme de difficulté. Un jeu qui te prend entièrement par la main et qui te montre tout de suite comment faire et qui, dès que t'as raté, te remet tout de suite les 5 secondes juste avant ton échec pour que tu puisses tout de suite réessayer, etc. C'est quelque chose qui participe à une forme de facilité, mais qui est plus un problème lié à la découverte du jeu. On prend souvent, par exemple, l'exemple de Dark Souls comme jeu difficile. Je trouve pas qu'en définitive, Dark Souls soit si difficile que ça, parce que c'est un jeu qui te pousse à faire du par cœur, en fait. Et en grosso modo, c'est plus tu vas réussir à dompter ton environnement, à savoir où sont placés les monstres et exactement comment ça se passe pour les monstres. Après, ça passe tout seul. Et c'est justement ça, tout ce qui est la récompense dans Dark Souls. C'est une fois que tu as appris ta partition par cœur et que tu arrives à faire ta section de niveau en prenant le moins de dégâts possible, parce que tu as appris par cœur, tu sais où sont placés les monstres, etc. Ça rappelle un peu comment il s'appelle ce film avec Tom Cruise où il refait en boucle le même truc. Age of Tomorrow, où il finit par être imbattable. C'est une expérience que tu retrouves dans Dark Souls exactement, parce que tu meurs, tu recommences, tu meurs, tu recommences. Et en fait, c'est aussi souvent ça, c'est quand on parle de difficulté, moi j'aurais plus tendance à penser comme à un peu. Comme parfois on fait un peu le podcast avant de faire le podcast parce qu'on discute, au jeu de puzzle. Où là, par exemple, effectivement, là, tu peux mettre un coup d'arrêt à l'avancement de quelqu'un avec le puzzle où tu comprends pas ce qu'on te demande, ou alors vraiment ça excède de très loin ce que tu pensais pouvoir résoudre. Moi, c'est plus là-dedans qu'en tout cas que je trouve des difficultés, ou même les point and click, où là, tu sais pas ce qu'il faut faire, tu sais pas. Hein. Mais après, il y a un mythe de la difficulté, comme quoi t'aurais plus de plaisir, plus c'est dur aussi. Il y a une certaine frange de joueurs qui pensent comme ça en disant ça, j'aime pas ce jeu-là parce que c'est trop facile. Mais après, je pense que ça dépend aussi de ce que tu viens chercher dans un jeu. On parlait tout à l'heure de Life is Strange avec CDV quand on déjeunait. C'est vrai qu'on te mettrait des difficultés d'un coup comme ça dans un jeu très narratif comme Life is Strange, tu trouverais ça bizarre. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a toujours surpris dans les livres dont vous êtes le héros, c'est qu'il y a plein de livres dont vous êtes le héros qui sont ultra durs. Moi, j'en ai plusieurs dans ma collection, j'en ai jamais fini un seul sans tricher. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être gênant. D'ailleurs, je pense que tout le monde qui a joué à un livre dont vous êtes le héros a joué en trichant pour continuer à voir l'histoire, parce que mourir sur un jet de dés, c'est jamais agréable. Il y a aussi ça, c'est... Est-ce que le jeu est injuste aussi dans la question de la difficulté, malgré tout ? Là, je suis en train de brasser plein de trucs, je tape très large. Je vais reprendre un des points que tu as soulevé. C'est une sorte de différence entre la demande vraiment de dextérité pure, l'équilibrage aussi qui est autre chose. Ça, je pense qu'on y reviendra aussi sur l'équilibrage et les contrôles aussi, s'ils sont plus ou moins précis. En tout cas, dans le cadre du jeu vidéo, c'est hyper prégnant. Et aussi sur les puzzles où... là, c'est un autre type de difficulté. C'est dans le sens où il faut renverser un peu son regard. Des fois, il faut changer totalement de manière de penser. Et là, du coup, je vais passer à notre autre invité, CDV, où justement, on te connaît par ton analyse de performance, de ce qu'on appelle le speedrun, finir un jeu très vite, ou alors un super play, faire le plus de points possible. Justement, comment on appréhende la difficulté dans ce type de jeu que sont les puzzles par rapport à d'autres jeux où ça demande la dextérité pure? Bah, comme tu l'as dit, effectivement, il y a... Avant de répondre à la question, je vais faire un aparté. Parce que la difficulté, c'est déjà une question qu'on se pose dans le jeu, qu'évidemment, on ne se pose pas dans d'autres formes d'expression. Bah, pour une raison simple, c'est qu'on sollicite le joueur d'une certaine manière. Visiblement, on lui demande de faire quelque chose. Quand on regarde un film, on se pose pas... Éventuellement, on se pose la question de la facilité de compréhension, d'intelligibilité, mais on se pose... Là, vraiment, c'est au cœur du gameplay, c'est au cœur de l'étude de marché aussi, parce que si c'est trop dur, peut-être qu'on rate des cibles, hein, si éventuellement on veut un retour sur investissement. Quoi qu'il en soit, c'est une question qu'on se pose, et pour principalement plusieurs raisons. Donc on demande au joueur d'actionner des choses, d'aligner des pixels sur des pixels, on le sollicite, et principalement il y a deux choses sur lesquelles éventuellement c'est pertinent de parler de difficulté. Ça va être tout ce qui est demande des capacités entre guillemets intellectuelles, la capacité à résoudre des puzzles, la capacité à prendre des bonnes décisions, etc. Ou la capacité, la dextérité en gros, la capacité à appuyer rapidement sur un bouton ou appuyer sur le bon bouton au bon moment. On va dire principalement ces deux choses-là. C'est là où c'est à peu près pertinent de parler de difficulté. Justement, pour reparler du speedrun, intrinsèquement, on pourrait dire de cette manière, il n'y a pas de jeu facile, tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Parce qu'on peut simplement se laisser aller, se dire bah, les game designers, les personnes qui ont fait le jeu m'ont fixé tel objectif, par exemple finir le jeu. En fait, assez spontanément, quand on dit qu'est-ce que finir un jeu, on va dire c'est là la fin. Mais intrinsèquement, c'est déjà une question problématique, parce qu'il y a plein de manières de finir le jeu, et quand on se questionne, c'est pas si simple. Parce que déjà, en fait, qu'est-ce que jouer, c'est compliqué, et qu'est-ce que finir un jeu, on peut se poser des questions, mais partons de cette définition simple d'aller au bout du jeu, qui semble vraiment, qui est au moins satisfaisante dans un premier temps. On peut se dire, bon ok, ce jeu était relativement simple, en tant d'heures de jeu, je l'ai terminé. Alors premier critère, est-ce que je regarde le nombre d'heures? Mais le problème, c'est que des jeux aussi peuvent être plus ou moins longs. Donc c'est pas forcément la manière la plus pertinente de le mesurer, le nombre d'heures. Le nombre d'essais, le nombre d'efforts qui ont été faits, c'est difficile à quantifier, mais alors ça va être on va juger ça par rapport à aux sensations de la personne, la frustration, ce type d'émotion. Est-ce que ça s'est fait facilement? Mais il y a aussi des jeux qui sont frustrants, qui sont mal faits, donc en fait, ça, c'est pas non plus fiable comme critère. Donc on peut prendre toute une batterie de critères pour dire la personne a été au bout, elle a trouvé ça plus ou moins difficile. Mais quoi qu'il en soit, quand on, par exemple, c'est du speedrun, on se fixe soi-même un objectif qui va être de le terminer rapidement. Et il peut y avoir des fois des renversements du type des jeux qui sont à la base très simples à terminer deviennent très difficiles à terminer rapidement. Et inversement, des jeux qui sont censés être difficiles, qui en speedrun deviennent très simples. Car passer l'apprentissage du jeu, les techniques de speedrun, il n'y a pas forcément beaucoup de speedrun émergentes, et globalement on va rester collé au gameplay initial du jeu, et c'est pas fondamentalement difficile. Donc on peut avoir des renversements curieux, comme par exemple Mario Bros, qui est un jeu facile et en speedrun est difficile. Parce que ça a été fait par beaucoup de gens, il y a beaucoup de techniques émergentes, et du coup pour faire un bon temps, ce qui est l'objectif quand on fait du speedrun, ça devient très difficile. Donc ça dépend un peu de ce que nous demandent les game designers, mais aussi de ce qu'on se fixe soi-même. Moi j'aime bien les idées où on se réapproprie le jeu et on en fait une pratique, on se fixe des objectifs qui nous semblent intéressants, parce que l'objectif Et les gens le font volontiers, c'est pas nécessairement d'ailleurs finir le jeu, ça peut être ça peut te faire la moitié du jeu, prendre du plaisir, essayer d'éprouver de la liberté ou de pousser le jeu dans ses limites. Ça selon en fait la pratique qu'on a, c'est vrai qu'en plus la difficulté va être différente et des fois c'est même plus un critère pertinent pour juger de la pratique. Donc c'est certaines pratiques au sein du jeu que cet adjectif décrit de manière intéressante, mais ça décrit pas toutes les pratiques. J'ai l'impression aussi que la question de la difficulté, elle se pose d'abord et avant tout dans le jeu en solo. Je vais élaborer un peu cette remarque. Le jeu multiplayer, on parle plus facilement de complexité. Et là, je vais me référer à ce qu'on trouve en jeu de rôle, jeu de société, où on a des concepts plus ou moins évidents à appréhender. Mais comme on est en compétition les uns avec les autres, si c'est très compliqué pour tout le monde, ça nivelle la complexité de jeu. Mais en tout cas, la difficulté, j'ai l'impression que c'est réellement l'opposition du jeu face au joueur, quelque chose qui n'est viable à 90%. On trouve toujours des contre-exemples, mais qui n'est viable a priori quasiment que dans le jeu solo où la seule adversité c'est pas le niveau de compétence des autres joueurs mais bien l'opposition que propose le jeu. Parce que là moi j'en étais déjà un peu à celui qui casse les termes du débat en disant mais la question c'est peut-être pas celle, en fait peut-être que la difficulté, le terme en soi est mal choisi, même si c'est celui qui est employé de manière commune, etc. Parce que pour moi un jeu qui serait difficile, c'est un jeu qui serait difficile à manipuler. Je sais que par exemple pour moi les jeux comme les qui sont pas des jeux censés être compliqués, des jeux comme les Batman à Arkham City, etc., où tu as 18 000 boutons à utiliser, enfin tu utilises tous les boutons sur la manette, c'est un jeu que je considérerais comme difficile. Un jeu comme Trials, dont on parlait tout à l'heure, où en grosso modo tu as une moto et tu dois aller à la fin du parcours, mais avec un moteur physique à gérer, tu as un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner et le stick pour te diriger. C'est un jeu que je considérerais pas comme difficile, parce qu'effectivement, il n'y a que 3 boutons, mais c'est un jeu que je considérerais comme exigeant, parce que tu es obligé du coup de te représenter le modèle physique dans lequel tu es en train de te déplacer, on te met des obstacles sur ton chemin, etc. Et ce serait un peu la même chose que je retrouverais du coup quand tu parles de complexité dans les jeux multijoueurs. S'il y a des jeux qui, même en multijoueur, du coup, sont exigeants, et si c'est exigeant pour tous les joueurs, ça devient frustrant pour tous les joueurs, alors que si c'est exigeant pour certains et facile pour d'autres... Enfin, on se retrouve dans des situations un peu asymétriques aussi. Après, sur le modèle du multijoueur, un jeu que je dirais trop, les jeux qu'on considère comme trop durs, souvent c'est aussi les jeux où les actions prennent trop de temps, etc., où ça devient du coup laborieux plus que difficile même de jouer. Juste un point pour aller dans ton sens, c'est vrai que c'est un mot parfois un peu fourre-tout, où on met effectivement, on en fait parfois un synonyme d'exigeant, parfois de frustrant, parfois de punitif. Parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas forcément difficiles, mais le système de sauvegarde, et notamment les jeux anciens, on a tendance à dire justement c'était mieux avant, c'était ah là là, avant c'était plus dur. C'est partiellement faux, parce que souvent quand on regarde les jeux, chaque action, chaque niveau n'était pas difficile, mais ça pouvait être le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde, par exemple, typiquement. Le fait de devoir recommencer au début faisait que c'était très punitif. Et donc ce qui était difficile, c'était pas d'y jouer, c'était peut-être d'aller au bout. Aller au bout, ok, c'était difficile, mais par contre, parcourir le jeu n'était pas difficile. En fait, encore une fois, ça dépend de quoi on parle, et c'est vrai que c'est un terme très très large. Je pensais à ça au niveau du multijoueur. Il y a aussi c'est une notion très importante de tout jeu, que ce soit jeu vidéo ou jeu de société, ou jeu de rôle, je ne saurais pas m'avancer, mais c'est l'histoire de la courbe de progression. C'est peut-être où est-ce que chaque joueur en est dans sa courbe de progression. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non. Alors, Yann. Alors, courbe de progression, c'est à mettre en parallèle avec un concept qui revient souvent aussi, de gestion de la courbe de difficulté en game design. On se pose souvent cette question. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant, ils avaient une solution qui était quand même intéressante, qui était faite dans énormément de jeux, qui existe encore, mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Ils mettaient différents niveaux de difficulté. Bah, en fait, c'est assez logique, parce que quand vous êtes, par exemple, habitué au jeu de tir, vous avez beau découvrir un nouveau jeu de tir, sensiblement, il y a des mécaniques identiques, vous allez prendre en jeu le jeu relativement vite. Donc vous n'êtes pas vraiment un débutant, même si vous ne connaissez pas le jeu. Donc on n'est pas sur un pied d'égalité, c'est évident. Donc faire une espèce de courbe, entre guillemets, universelle qui conviendrait à tout le monde, c'est complètement stupide. Par contre, une courbe d'apprentissage, ça c'est intéressant. On amène les mécaniques les unes avec les autres, ça c'est intéressant, ça c'est pertinent. De renouveler au bon moment, parce que ça sert à la narration, parce qu'il ne faut pas trop donner d'informations d'un coup, pas trop de mécaniques pour que les joueurs se perdent, des tutos éventuellement qui n'apparaissent pas comme des tutos, mais suffisent habilement faits, comme dans des portals, on n'a pas l'impression que c'est un tuto. Ok. Courbe de difficulté, effectivement, c'est très problématique, parce qu'on est une posture de joueur médian ou moyen ou un petit peu idéal qui n'existe pas. Et avant, en tout cas, on se posait pas moins la question, on disait, voilà, on met différents niveaux de difficulté, et pour le coup, ça peut viser différents publics, et en plus, ça peut être un challenge, parce qu'après, on peut se dire, bah, peut-être que je vais passer à la difficulté supérieure, et ça peut être un nouveau plaisir de jeu, une nouvelle expérience. C'est vrai que maintenant, on se retrouve souvent avec beaucoup de jeux, alors surtout des gros jeux où on a une difficulté un peu médiane, qui peut être frustrante, comme tu le disais, pour un certain public, on va trouver ça trop facile. Parce que on se dit, mince, moi j'ai déjà joué à tel type de jeu, j'ai besoin d'un minimum challenge, j'ai pas non plus forcément envie d'un truc trop tiré par les cheveux, mais qu'on me sollicite un tout petit peu plus, ou des fois un tout petit peu moins si c'est mal fait. Mais majoritairement, les gens ont tendance, pour des raisons surtout marketing et de business model, ça se comprend, que le joueur moyen soit mauvais. Supposons même que ce soit faux, il se trouve que dans les représentations marketing, on a cette idée que le joueur dit casu occasionnel est plutôt un joueur, on va dire, qui va pas insister beaucoup, qui est moyennement fort. Donc on a tendance à se dire, on va pas prendre de risques. Imaginez les enjeux, les millions d'enjeux. On se dit, bon, bah, on va faire un jeu qui va convenir à tout le monde. Et ces traces, en fait, d'une sorte de conformisme, on l'a pas que sur le niveau de difficulté, on peut l'avoir sur peut-être les représentations, sur tout un tas de, sur les mécaniques de jeu. Ça a marché, ne prenons pas trop de risques. Il y a toujours c'est toujours problématique, parce que ces prises de risques ont des incidences économiques. À partir de là, on est quand même obligé de bien réfléchir à ça. Et sur la difficulté, en tout cas, ça a été alors peut-être aussi parce qu'il y avait un paradigme relativement récent, avec une tête inflation de la place des auteurs et des game designers, où on se dit, genre, notre jeu, il est bien comme ça. Et donc, du coup, ça y est, il est parfait, comme si on pouvait atteindre une courbe de difficulté optimale qui va convenir à tout le monde. Et ça se voit de manière plus globale sur des choix, des fois, d'ergonomie ou de paramétrage au niveau de quelle touche fait quoi. Moi, ça me donne l'impression, et c'est pas, du coup, pas que pour la difficulté, que les gens ont pris une décision, ils disent, ça y est, c'est la meilleure décision concernant tel ou tel point. On veut pas redonner la main au joueur pour qu'il puisse faire comme dans certains jeux, par exemple, dire, ah ben moi je préfère plutôt que sauter sur espace, je vais appuyer sur A. Ben là c'est pareil, des fois on se dit, ben non, on va verrouiller un maximum le jeu, y compris pour la difficulté. Il y a des jeux qui des fois sont gâchés du coup par manque de difficulté, tout simplement parce que des fois des mécaniques on a besoin de pousser un peu plus le joueur pour qu'il combine lui-même des mécaniques pour faire des mécaniques un peu plus complexes, ou simplement qu'il puisse vraiment profiter du jeu. Parce qu'il y a une solution qui a été trouvée à l'ère de la sauvegarde, qui est aussi une mauvaise solution, qui était entre guillemets le New Game Plus. Alors, en gros, on fait une nouvelle partie dans des nouvelles conditions. Ça peut consister à garder ses objets, mais ça, je m'en fiche, c'est pas mon problème. C'était plutôt recommencer le jeu avec une difficulté supérieure. Et en fait, très souvent, c'est une mauvaise idée, parce que le jeu ne sera foncièrement pas plus difficile, parce que la personne ayant eu une première expérience de jeu via une première boucle aura appris les mécaniques, et du coup, la deuxième boucle. Bah c'est juste, on lui en demandera plus, mais il y arrivera pareil. Et du point de vue, non pas de ce qu'on lui donne, mais de ce qui est ressenti, d'un point de vue expérientiel, ça va être la même chose. Ça, c'est un peu le modèle de classement qu'on trouve dans des séries comme les Diablo, par exemple, si je dis pas de bêtises, où les niveaux de difficulté, en fait, ne sont pas accessibles dès le début de partie, mais il faut que le personnage ait passé un certain nombre de niveaux. Et finalement, effectivement, on rejoue la même chose avec les chiffres qui sont plus gros, quoi. C'est ça. Après, on revient aussi sur les distinctions de la difficulté. Est-ce que c'est l'exigence? Est-ce que c'est le fait que c'est punitif, etc.? Diablo, ce qu'il y a, c'est que le niveau le plus haut de difficulté, c'est parce que aussi, c'est le plus punitif. Tu perds ton perso, t'as perdu ton perso. Oui, hardcore, mais alors en fait, par rapport à Diablo, un bémol, mais simplement un éclaircissement, ce type de jeu, en fait, on peut pas vraiment parler de difficulté, selon moi, à part en hardcore, qui a un mode particulier de jeu, mais tous les autres, en fait, ça s'appelle, alors je sais plus si c'est normal, vétéran, élite, cauchemar, je suis pas un gros joueur de Diablo, mais foncièrement, vu que c'est juste les chiffres qui changent, ce qu'on demande aux joueurs est strictement la même chose, c'est juste que il est mécaniquement impossible, avec un personnage niveau 1, de commencer la deuxième boucle. Mais pour des raisons mécaniques. C'est juste que les monstres sont trop puissants. Donc en gros, on nous demande de faire 4 fois la même chose, et c'est juste un petit peu comme au flipper, les chiffres sont de plus en plus gros, donc il y a un emballement, il y a une ivresse, mais c'est pas plus difficile, foncièrement. Je reviens sur cette histoire de courbe de difficulté, courbe de progression, etc. En fait, moi, je pensais par rapport au matchmaking dans les jeux multijoueurs. Donc matchmaking, pour rappel, c'est essayer de mettre des joueurs de niveau à peu près équivalent ensemble pour voir quel est le meilleur va en déboucher. Et justement, ça va être une science très compliquée, parce que faut prendre en compte, bah tiens, telle personne a telle capacité d'évolution, et celle-là, bon, bah, elle stagne depuis longtemps, et elle va peut-être stagner dans une certaine ligue. Bon, ta question tombe bien, parce que ça faisait partie des apartés que je voulais faire dans mes réponses de tout à l'heure. Il y avait un premier aparté, c'est vrai qu'on a souvent des discussions sur tel jeu, etc. tel jeu est trop facile, tel jeu, etc. Moi, c'est vrai que quand je le dis, souvent on me fait la réponse, ouais, mais t'as pas joué en hard. Et moi, je dis, c'est vrai que moi, je suis un joueur régulier, donc je joue en médium. Et si le jeu est pas bien réglé en médium, c'est que le jeu il est pas bien réglé. Point. Bon, c'est un peu con de ma part, mais c'est souvent mon argument. Je suis pareil, alors. Après, il y avait aussi sur la courbe de difficulté, il faut savoir que c'est un truc qui est en fait assez récent en fait dans le game design, même si on a commencé à le faire très vite. Ça a commencé par un bug, pour tout dire. Space Invaders, ce qui s'est passé, c'est qu'au début il y avait plein d'aliens sur l'écran et on avait de moins en moins. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, qu'au début, quand il y avait beaucoup d'aliens, ça ralentissait la machine, quand il y en avait moins, ça allait plus vite. Et on s'est rendu compte que, ah tiens, quand ça va plus vite, c'est plus dur. Et donc il y a eu cette idée de progression, et c'est un truc qui a été fait dans l'arcade, etc., mais sans être pensé. C'était, bah, c'est de plus en plus dur parce que faut que ce soit de plus en plus dur, parce qu'il faut que le gars perde sa pièce, il faut que... Donc on a fait ça comme ça, mais sans le penser. Après, il y a le game design moderne qui arrive et qui se dit, il ne faut pas que le joueur s'ennuie. Et ça, avec ce principe de base de, si le joueur s'ennuie, j'ai raté ma mission de game designer. Et du coup, ce qui se passe, c'est comme le joueur progresse, il apprend les mécaniques, il les répète, et souvent, comme on dit, on parle de boucle de game design, donc ça boucle, donc c'est des trucs qui se répètent. Si ça se répète toujours au même niveau, tu finis par t'ennuyer. Donc, tu vas faire te répéter ça et tu vas rajouter ou de la complexité, ou de l'exigence, ou du punitif pour que, même si ça boucle, on ne s'ennuie pas. Et après, il y a aussi le fait de le paradigme de l'opposition. En fait, les Sims, personne ne se pose la question de la difficulté dans les Sims, par exemple, parce que ce n'est pas un jeu d'opposition. Or, quand tu es dans un jeu d'opposition, qu'il soit multijoueur, quand tu parles de matchmaking, ou qu'il soit solo, tu joues contre la machine, tu t'attends à un minimum de résistance. Si tu joues aux échecs face à quelqu'un qui fait tous les coups pour te permettre de gagner, tu t'emmerdes, encore une fois. Et du coup, tu attends un minimum de résistance, tu attends un adversaire au moins à ton niveau, voire à un niveau supérieur si t'es dans l'optique de progresser. Donc c'est aussi la question de la difficulté, elle se pose typiquement dans des jeux qu'on appelle d'opposition, que ce soit de l'opposition face à un autre joueur ou d'opposition face à un système, dans un jeu de coopération ou dans un jeu solo, hein. Dans un jeu de gestion tout con type les Sims ou Animal Crossing, personne se dit c'est trop facile. Parce que le but du jeu, c'est d'aller ramasser des fruits et de les planter dans son jardin. Mais... ouais, y a une sorte d'idéal de la difficulté, même si ce concept, encore une fois, est vraiment très flou. C'est toujours exiger du joueur, fait exiger un tout petit peu plus que ce que le joueur peut donner au moment T. C'est-à-dire que si on lui donne moins ou si on lui donne un truc trop dur, il ne pourra pas y arriver, ça va le frustrer. C'est l'idée de dépasse-toi un petit peu, mais très légèrement. C'est comme si un petit peu on le poussait, ça lui permettait, ou peut-être même comme une mécanique, comme disait Dorian, pour éviter l'ennui ou pour pousser le joueur à aller jusqu'au bout, comme si c'était un impératif parce que ça va pas de soi. Parce que rappelons-le, c'est une évidence, on n'a pas suffisamment appuyé dessus, c'est que ça concerne vraiment strictement les couches mécaniques du jeu. C'est-à-dire que c'est une question qu'on se pose pas évidemment quand on dans un jeu pour les couches narratives. Ça a beaucoup moins de pertinence. Alors t'as l'air de vouloir mettre un bémol. Bah, je pense que quand Dorian parlait par exemple des point and click, on est aussi dans une difficulté narrative du « faut avoir pensé à ça parce que tel personnage m'a dit un truc », même si effectivement au bout du bout c'est de la résolution mécanique, donc il faut trouver tel objet pour accéder à telle zone, grosso modo. Hein. Mais il y a quand même une capacité à prêter attention au récit pour comprendre ce qui est raconté dedans et voir les lignes. En jeu de rôle, je prêche pas pour ma paroisse, mais pour le coup, il y a un certain nombre de jeux qui fonctionnent aussi sur la capacité à avoir bien suivi l'histoire pour deviner qui va être le méchant dans un jeu d'enquête, par exemple, qui va être le responsable du crime, ce genre de choses. On n'est pas que dans de la mécanique de ce point de vue-là, non ? Ça dépend. Alors, ça marche dans les point and click excellents. Vraiment dans les point and click excellents. Parce que même dans les point and click, il y a aussi ce qu'on appelle le puzzle arbitraire de « il faut que tu t'arrêtes à ce moment-là dans l'histoire parce que là, il y a telle porte à ouvrir, etc. » Et on va te faire faire un truc, un puzzle qui parfois peut n'avoir rien à voir avec la couche narrative, etc. Mais c'est juste que là, on a, en termes de game design purement mécanique, on s'est dit « là, ce serait bien qu'il soit bloqué, qu'il ait un puzzle à résoudre. » Et donc là, on va y mettre un puzzle arbitrairement. C'est les excellents point and click qui, justement, font que quoi qu'il arrive, t'es dans la couche narrative, etc., quand tu vas surpasser une difficulté, etc. Ouais, moi, je suis en train de jouer à The Cave, par exemple, qui je trouve, arrive à gérer ça assez élégamment. Je suis désolé, je t'ai interrompu, du coup, si tu veux reprendre... Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est presque ce que t'as décrit comme ça. Moi, je les aurais vus quasiment comme les éléments de gameplay dans le récit, mais après, c'est une question de description. Mais j'accepte complètement, mais c'était que moi, je l'aurais décrit, j'aurais dit la même chose, mais décrit différemment. Mais bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, ouais, pour le... C'est vrai qu'on parle du coup, comme vous disiez, en compétition, quand on joue contre d'autres joueurs, on ne parle pas de difficulté. C'est d'ailleurs toujours rigolo de prendre du recul par rapport au langage et de regarder les attitudes linguistiques, en gros les expressions qu'on emploie volontiers. C'est une autre manière d'ailleurs, plutôt que l'approche définitionnelle, c'est regarder quelles sont comment les gens utilisent les expressions. Et après, prendre du recul et dire c'est rigolo parce qu'effectivement, on n'utilise jamais le mot difficile. Ou très rarement dans les jeux multijoueurs, alors qu'on l'utilise assez volontiers dans les jeux solo, ou alors dans des cas particuliers. C'est juste pas la même utilisation de termes, etc. Mais ceux qui traitent leur adversaire de noob pour dire t'es un débutant, c'est aussi de dire t'es un débutant, donc c'est trop facile pour moi, donc je me plains. C'est la seule idée qu'il peut y avoir derrière le fait de se plaindre de ce que son adversaire est débutant. Si tu recherches pas une question de difficulté entre guillemets, parce que justement une fois comme on a dit c'est un terme qui est très large, qui recouvre plein de choses, mais le fait de se plaindre du niveau de jeu de son adversaire, ça revient à se plaindre de la difficulté d'un jeu. Oui c'est vrai, mais en tout cas je remarque simplement que le mot est rarement employé. Après qu'il y ait des similitudes, c'est possible, mais on revient à l'idée du dosage juste idéal, quoi, cette idée de ni trop peu ni trop, quoi. C'est faux. Alors, je vais revenir sur cette notion de noob que tu viens d'utiliser. J'ai l'impression que dans l'idée de la difficulté, il y a plusieurs choses, mais notamment quand on regarde les grandes catégorisations de type de fun, la difficulté, ça tombe à peu près systématiquement dans la question du hard fun, à savoir, j'ai envie de me confronter à quelque chose de compliqué et de le surpasser. Et il me semble que quand on dit, et c'est des choses qui sont revenues depuis le début du podcast, quand on dit le bon temps, c'est quand les jeux étaient plus difficiles, maintenant ils sont trop faciles, un joueur qui n'est pas bon, c'est un noob. Il y a aussi un classement sociologique. J'ai l'impression que pour les joueurs, notamment ce qu'on appelle les hardcore gamers, il y a une surreprésentation de joueurs qui cherchent le hard fun et qui presque reprochent aux autres joueurs et aux concepteurs de jeux de ne pas leur proposer plus de hard fun, et qu'il y a une classification sociale des joueurs, un classement qui se fait en fonction de sa capacité à gérer cette typologie de fun et à battre des grosses difficultés. Est-ce que la difficulté, c'est pas aussi une façon de se positionner en tant que joueur un peu socialement dans la culture gamer? Mais c'est aussi parce que c'est un truc qui est rentré dans les habitus. On est arrivé aussi beaucoup avec des jeux, notamment par l'arcade, où on est dans un jeu d'opposition, qui de toute manière cherche à te battre. C'est-à-dire, vu qu'il faut que tu remettes une pièce dans la machine, le jeu il cherche à te battre, et du coup t'as aussi un prestige social à battre le jeu. Et du coup il y a eu toute cette idéologie là qui s'est faite, mais juste par habitude. C'était pas quelque chose de conscient. Ils ont pas eu des jeux difficiles parce qu'ils voulaient des jeux difficiles à la base. Ils ont eu des jeux difficiles, ils se sont habitués à des jeux difficiles, et ça a fait une niche du coup qu'on va appeler les hardcore gamers, donc le noyau dur des joueurs, ce qui est un peu absurde. Et maintenant qu'il y a eu des game designers qui se sont dit on va essayer de présenter autre chose, ils arrivent en disant ouais mais ça nous touche pas parce que c'est pas ce qu'on nous vendait avant. Donc c'est aussi des questions d'habitude, de pratique, etc. Où est né, il y a eu une pratique qui est née en fonction des jeux qu'on leur proposait. Mais c'est vrai que par exemple, l'idée de la difficulté dans les jeux de plateau, c'est tu joues à Pandémie ou tu joues au jeu de loi, tu vois bien qu'il y a aussi une évolution du marché et du public. Le jeu de loi, personne ne le pense pour qu'il soit difficile, tu jettes les dés et t'avances, point barre. Avec Pandémie, t'arrives sur un jeu où si tu luttes pas un peu, le jeu te bat. Donc... Tu as failli piquer ma question, parce qu'en fait on a parlé beaucoup du jeu vidéo là depuis une vingtaine de minutes, je dirais. Et qu'est-ce qui fait du coup la difficulté dans un jeu de société où on se dit bah de toute façon c'est les dés qui décident? Je caricature, je joue le faux naïf. Ah oui, je le sais en plus. Mais quoi qu'il en soit, bah, ça dépend déjà. Qu'est-ce qu'on exige du joueur déjà? La place des dés, c'est intéressant parce que déjà il n'y a pas des dés dans tous les jeux, mais des dés ou autre chose. Globalement, on va parler de l'aléatoire, du hasard. C'est pareil, encore une fois, souvent une question en game design. Est-ce qu'on veut un jeu purement déterministe, auquel cas ça va être les meilleurs joueurs qui vont gagner, ou un jeu où il y a un petit peu comme les petits chevaux, il n'y a quasiment que du hasard, auquel cas n'importe qui gagne, et c'est fun, et effectivement on va se situer un petit peu sur le nuancier en fonction du temps qu'on est prêt à investir, de ce que socialement on veut faire avec les gens avec qui on veut jouer, etc. Et en tout cas, bon, rares sont les jeux où il y a de la dextérité, il y en a quelques-uns, quand même, en l'occurrence. Oui, c'est ça, mais c'est... Les jeux d'apéro, beaucoup maintenant, les jeux de dextérité. Très souvent, c'est des jeux très courts, justement. J'allais dire le Jungle Speed, et je pensais aussi au jeu qu'aime bien Zouzou. Gobit, voilà. Bon, ça existe. Mais quand même, ça reste typiquement ceux qui se qualifient volontiers de gros joueurs de jeux de société. ça reste, c'est pas la majeure, le corps ou le cœur des jeux auxquels ils vont jouer. Ça reste pour ceux qui s'appellent eux-mêmes ou qui volontiers se décrivent comme des joueurs de jeux de société. Il y a au moins beaucoup de jeux de stratégie déployés sur une certaine temporalité. Quand j'ai une certaine temporalité, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures. C'est un certain temps de jeu que tout, faut quand même avoir le temps. Il y a une sorte de contrat social, on part pas au milieu de la partie, ça déséquilibre tout. Donc c'est un certain investissement quand même. Et effectivement, avec beaucoup de règles, et là où il n'y a pas en dextérité, on va le récupérer en prise de décision. Et moi, ce que je disais souvent, ça concernait les jeux tour par tour ou les CCG, les TCG, donc des jeux vidéo, mais c'est pareil pour les jeux de société. Alors, trading card game, en gros c'est les jeux de cartes évolutifs de stratégie qui parfois sont à collectionner, parfois sont à échanger. En gros, Magic, The Love Champions, Hearthstone, ce genre de trucs. Quoi qu'il en soit, moi, j'aimais bien utiliser l'expression... éprouver sa décision. C'était en fait une dimension temporelle, j'ai remarqué, parce que là où le jeu vidéo est souvent, c'est souvent du temps réel, hormis quelques exemples, en fait, on est majoritairement on est dans du temps réel, alors que pour les jeux de société, majoritairement on est dans du tour par tour. Donc il y a des contre-exemples, mais c'est une sorte de pente naturelle, entre guillemets, et notamment les jeux de stratégie, où c'est plutôt du tour par tour, là on a le temps d'éprouver sa décision, c'est-à-dire qu'une grosse partie du jeu se passe dans sa tête, où on se dit... On essaie de calculer un peu les conséquences de nos actions et c'est l'épaisseur du présent un peu. Et la difficulté, ça va être la capacité à prendre en compte tous les éléments, les faire fonctionner en système pour prendre la décision la plus adaptée à la situation et qui, sur le long terme, va quand même nous permettre de ne pas dévier de, de ce qu'on doit avoir en tête qui est gagné. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais, sacrifier. Le fun ou faut pas que la partie soit déplaisante, mais dans les jeux de stratégie, il est évident que tout le monde doit au moins essayer de gagner. C'est une sorte de contrat parce que sinon ça fausse souvent beaucoup l'équilibre du jeu. Donc c'est une sorte de contrat tacite. Alors, est-ce qu'on joue pour rigoler ou est-ce qu'on joue pour au moins essayer de bien jouer, ce qui n'implique pas du tout de ne pas rire d'ailleurs. Mais c'est une sorte de contrat social, faut vraiment être d'accord parce que sinon ça peut faire des parties très très étranges. Mais voilà. Ça, les joueurs, ils arrivent jamais vierges dans un jeu. Ils ont toujours des attentes vis-à-vis du jeu. Et il y a des trucs qui, quand on contrarie ou quand on va au-delà de ses attentes, c'est là qu'on va se confronter aussi à la question de la difficulté. Soit c'est trop facile, soit c'est trop dur. Soit c'est « Ah, je m'attendais pas à ce qu'on demande ça de moi. » Je sais pas, je connais pas très bien le monde du jeu de rôle, mais si jamais il y avait un coup d'entrée en dextérité d'un coup dans un jeu de rôle où on disait « Bah tiens, il y a tout un tas de petits puzzles mécaniques qu'il faut manipuler, etc. Si tu veux que ton action réussisse, tu dois le résoudre. » Je pense qu'il y en a plein qui seraient vexés en disant « Bah non, mais je sais pas, je préfère lancer des dés. » Ça existe, il y a un jeu dont le système de résolution est basé sur une tour de Jenga et quand on prend des décisions difficiles, il faut retirer des jetons et effectivement, il y a des joueurs qui sont mal à l'aise avec ça. En jeu de société, pour y revenir, j'ai l'impression qu'il y a une modalité dans laquelle la question de la difficulté se pose assez facilement, mais finalement, c'est assez cohérent avec ce qu'on disait plus tôt sur le fait de se confronter à la machine. C'est les jeux de coopération où, pour le coup, tu parlais de Pandémie et Dorian, et puis on le retrouve dans Ghost Stories de Antoine Boza, dans Anabi du même Antoine Boza, et puis il y en a pas mal d'autres. Effectivement, quand l'adversaire c'est le jeu, bah là la question de la difficulté elle se pose, alors qu'effectivement on parle plus facilement de complexité pour des jeux multijoueurs parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la difficulté elle est la même pour tout le monde, et comme on se confronte les uns aux autres, la difficulté c'est l'autre joueur. Donc le jeu est partiellement responsable de ça, très partiellement. Et encore une fois, c'est largement critiquable comme position, parce que ça vaut, si la difficulté est la même pour tout le monde, bah ça dépend, en fait, on peut avoir trois visions. Soit on a une vision entre guillemets essentialiste, on regarde les propriétés d'un objet, en l'occurrence un jeu, c'est assez formel, et on va dire, bah, objectivement, la difficulté, c'est ça, comme une sorte de propriété du jeu, ou alors c'est une relation, ce qui est capable de faire un joueur en relation avec un certain jeu. Enfin, en gros, c'est où ça se situe. C'est assez particulier. J'ai l'impression que beaucoup de gens tombent dans le paradigme mais on essentialise, on va réussir à trouver, on fait de la difficulté une propriété, alors que fondamentalement, en fait, c'est forcément une relation. C'est pour ça qu'en fait, c'est souvent un écueil de beaucoup de game designers de penser qu'ils vont réussir à trouver un système parfait, enfin, au moins dans les jeux solo, hein, parce que c'est beaucoup plus facile... paradoxalement de bien doser la difficulté dans un jeu multijoueur avec le match ranking, le système Elo, il y a plein de systèmes qui existent déjà qui le font très bien. On a statistiquement des gens qui ont le même niveau, donc a priori des joueurs qui ont le même niveau, ça va faire à peu près une partie ni trop difficile ni trop facile. Voilà. Après, c'est vrai que quand tu prends l'exemple de Pandémie, ça reste, on a souvent tendance à dire, c'est soit jeu de compétition, soit jeu de coopération dans le jeu de plateau. Il s'avère que Pandémie, c'est un jeu de coopération, mais c'est un jeu d'opposition. On s'oppose au système de jeu. Il y a des jeux que... Après, moi, je vais les mettre dans les jeux de plateau. Je sais que ça peut faire hurler dans les chaumières. Tout le monde le ferait pas forcément, etc. Dice Stories, je considère que c'est un jeu de plateau, où là, tu te poses pas la question de la difficulté. Et tu peux y jouer en coopération, comme en confrontation, etc. Alors, vu que le but, c'est de faire une jolie histoire avec les contraintes qu'on te donne, c'est... si, à la limite, pour y avoir, les contraintes sont trop importantes, et du coup, ça, j'arrive pas à faire une histoire avec. Bon. Mais ce sera, on n'envisagerait pas ça sous terme de difficulté, je pense. Vas-y. Oui, non, mais clairement, il y a plein de jeux. On parlait, bah, dans le, que ce soit pour les, certains jeux strictement narratifs ou les jeux d'imagination, par exemple, c'est pareil. Dixit, c'est un concept en fait, qui serait assez peu pertinent. Ou alors, ça dépend, et ça me fait penser, d'ailleurs, c'est une question qui est intéressante pour le sujet. Jeu d'imagination Dixit, que la plupart des gens connaissent, j'imagine, ou c'est un jeu, je le décris rapidement si vous ne le connaissez pas, on a des cartes, en gros, qui évoquent tout un tas de situations. Elles ne sont pas trop explicites pour qu'en gros, ça puisse évoquer tout un tas de choses à plein de gens. Donc voilà. En gros, il y a un système de points où l'idée, ça va être du coup de trouver la bonne carte parmi un tas de cartes et essayer de trouver dans notre main une carte qui correspond à la définition, à la phrase ou à l'idée qui a été donnée par un autre joueur pour un petit peu bluffer que les gens votent pour nous. Et j'ai toujours trouvé ça incompatible. Parce qu'en fait, dans les jeux d'imagination, autant ça a du sens, les jeux de stratégie d'essayer de gagner. Parce que le fun, en fait, c'est là où on va avoir vraiment des sensations de vertige, de plaisir, etc. Mais dans les jeux d'imagination, c'est beaucoup plus le fun ou la stimulation, je sais pas, narrative ou ce genre de choses. Parce que les stratégies optimales pour gagner sont complètement absurdes. En fait, en étant vraiment terre à terre, les stratégies optimales vont consister, par exemple, parfois à faire des... À quoi que Dixit, c'est pas le meilleur exemple pour montrer que les stratégies optimales cassent le jeu. Lequel ? Le jeu d'Idico. Non, il est encore assez proche de Dixit, je trouve. C'était plutôt Big Idea. Parce que finalement, Dixit, en fait, Nilus, c'est pas le meilleur exemple. Ça donne l'exemple du jeu d'imagination, mais le second exemple est plus pertinent pour ça. C'est que la stratégie optimale pour gagner casse complètement le fun. On va pas voter pour quelqu'un qui a présenté une invention cool. Parce qu'on sait que c'est lui qui va gagner, sinon. Donc des fois, on va voter pour notre deuxième choix. Et des fois, il y a des jeux en fait, où on s'aperçoit qu'il y a une opposition. En fait. On n'a pas envie qu'il y ait d'évacuer cette question de la difficulté ou du système de points. Je veux retenir une chose que tu as dit tout à l'heure. Tu suggérais une sorte de subjectivité de la difficulté au final, et parce qu'il y a cette volonté de rationalisation, de numérisation presque, mettre en nombre, en chiffres, qu'est-ce que la difficulté. Et ce qui me fait penser à cet événement quasi historique qui est apparu il y a peut-être un mois, qui est l'intelligence artificielle qui a réussi à battre quelqu'un au jeu de Go, qui est soi-disant le jeu de société, un des jeux de société les plus compliqués du monde, le plus profond. Alors après, on l'avait pas encore dit ce mot-là. C'est justement ça, il y a une différence entre la complexité et la profondeur. Ce qu'on parle aussi, c'est qu'on parle de l'élégance du Go, parce que tu vois, les échecs, il y a plein de règles. T'as une règle de déplacement par pion. Le Go, t'as grosso modo trois règles et une règle circonstancielle. Donc t'es à quatre règles maximum, mais qui créent des situations possibles qui sont... je crois qu'il y avait eu des comparaisons de fait, c'est par rapport au nombre d'atomes dans l'univers, t'es à peu près dans les mêmes chiffres, c'est à 10 puissance, je sais pas combien de situations possibles. Donc c'est pour ça qu'on parle de profondeur. Et du coup, je t'ai coupé dans ta question, parce que tu es juste sur ce terme-là. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on voit une différence au niveau quasiment mathématique. Par exemple, les échecs, est-ce que c'est plus compliqué ou pas que le jeu de Go ? En fait, il s'avère que le jeu de Go est plus compliqué parce que, certes, il y a moins de règles, mais les possibles sont beaucoup plus... Le jeu est plus simple. C'est aussi ça, c'est que en fait, jouer aux échecs, c'est plus compliqué que de jouer au Go. Mais c'est juste que du fait de la complexité des échecs, t'as un nombre de positions valides sur l'échiquier qui est quand même assez limité. Alors que du fait que ce soit très simple, le Go fait que t'as un nombre de positions valides qui est plus important. Célébé, tu voulais réagir ? Non, ça me faisait rigoler. Simplement, j'adorais le mot simple, mais c'est vrai, c'est relatif comme terme. On a évoqué à plusieurs reprises l'idée de jeux qui n'avaient pas de difficultés aussi. Comment ça marche ? Parce que c'est vrai que souvent on parle... Alors j'imagine que c'est parce qu'on va chercher aussi dans d'autres catégories de fun. Que ce soit du jeu plus relationnel ou du jeu où on apprend des trucs. Ou même du jeu où on joue pour l'esthétique et pour le plaisir de voir des sprites, des visuels, des choses comme ça. Il y a quand même, au-delà du fait que c'est déploré par une catégorie de joueurs, j'ai l'impression que les jeux sans difficultés... À l'heure actuelle, ce sont des jeux qui rencontrent un écho auprès du grand public qui n'est pas du tout le même que ce qu'on peut avoir avec des jeux difficiles. On a des jeux qui sont a priori relativement simples, mais qui arrivent quand même à générer un désir de rejouer Alors que pendant, j'ai l'impression que pendant longtemps, on a cru que le désir de rejouer, il naissait aussi du fait qu'on rencontrait une difficulté et elle nous battait la première fois, mais on se disait qu'on allait pouvoir y revenir parce que la fois d'après, on va gagner. Ah, quoi. Alors, peux-tu citer un jeu? Parce qu'il y a plein de manières de lire ta question et selon le jeu que tu veux donner en exemple, on va répondre. Alors, je pense à beaucoup de jeux, notamment plus ou moins sociaux, donc tous les jeux de construction. Moi, en ce moment, je joue beaucoup à un jeu de match 3 sur ma tablette où on ne peut pas perdre la partie. On ne peut que progresser petit à petit avec des petits objectifs qui arrivent un peu plus loin. Et je crois que c'est là que se joue le truc. Hein, c'est qu'on fixe des petits objectifs et puis on y arrive assez rapidement, on continue. Mais en tout cas, on ne peut pas réellement perdre le jeu. Il n'y a pas un moment. Mais quelque part, comme dans Diablo. Dans Diablo, on ne peut pas perdre si on ne joue pas en hardcore. On revient un peu en arrière, éventuellement, d'un pas. Mais on ne peut que progresser au bout du bout. Bah, semble-t-il en tout cas que du coup ça nous ramène au fait que pour qu'il y ait de la difficulté, il faut nécessairement qu'il y ait soit une fin, d'un point de vue vraiment narratif, où là, on arrive à la fin de quelque chose, de quelque chose qui s'est déroulé, ou faut un objectif, que ce soit un score ou quelque chose. Parce que fondamentalement, s'il n'y a ni objectif, ni score, on va dire, pour essayer de faire un score excessivement haut ou une fin, et que c'est une sorte de jeu qui se continue à l'infini. Bon, qui est sous-tendu par un certain business model aussi. Enfin, y a pas mal de choses qui déterminent ça. Je veux dire que c'est toujours intéressant d'avoir un jeu qui n'a pas de fin, un jeu qui n'est pas dur. Tout le monde peut y jouer et en fait, tu peux y jouer tout le temps puisqu'il n'a pas de fin. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est la recette magique dit comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un concept pas pertinent pour parler de ces jeux. Y a aussi, c'est ce que j'allais dire, il y a une question de... on parle ça dans le monde de la culture, de coup d'entrée symbolique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais écouté de musique, tu te dis « Attends, tiens, je vais te faire écouter Yanis Xenakis ». Tout de suite, ça fait un peu, il y a un peu de violence symbolique derrière. Pareil, quelqu'un qui a jamais joué à un jeu vidéo, tu fais ah ouais, viens jouer à Street Fighter. C'est tout de suite, tu vas lui faire peur, quoi. Il va dire, il y a 6 boutons, ça ressemble, le stick il ressemble à un piano. Alors que si tu dis ah t'as jamais joué à un jeu vidéo, viens, on va faire du Her Story. Tu sais taper des mots, tu vas pouvoir jouer Her Story. Il y a aussi ça, c'est les gens, tu vois par exemple quand tu parles des matchs 3, etc. Les gens, ils ont une utilisation de la tablette qui fait que dans le jeu, ils vont utiliser la tablette de la même manière qu'ils l'utilisent pour utiliser leur tablette, pour naviguer sur Internet, etc. Tu leur mets même des jeux sur tablette où il y a des boutons virtuels, moi j'ai toujours trouvé que c'était absurde, etc. Tout de suite, ça va être plus compliqué, parce qu'ils vont dire « Ah, il faut que j'appuie à cet endroit-là précisément, etc. parce qu'il y a des boutons qui s'affichent, etc. » Et tu te retrouves avec un manipulateur, en grosso modo, avec une manette, en fait. Tu transformes ton téléphone ou ta tablette en manette, ça devient tout de suite plus compliqué. Parce que, en fait, on a des habitudes d'utilisation. C'est la dernière fois qu'il nous arrive de faire des interventions auprès du public avec Yann, où on fait de la médiation parent-enfant autour du jeu vidéo. Et il y avait un ado, et quand je lui disais juste se balader dans un univers en 3D avec stick gauche pour bouger ton avatar et stick droit pour manipuler la caméra, où tu te retrouves à travailler en fait comme un opérateur de caméra virtuelle, les gars qui font de la réal à distance avec des caméras robots qui pilotent avec un stick, c'est exactement la même chose. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu un jeu vidéo entre les mains, juste se dire je vais piloter la caméra indépendamment de mon avatar et c'est pas en bougeant que ça va bouger l'angle de vue, je l'ai aussi un contrôle indépendamment de mon angle de vue en plus de mon personnage, c'est des trucs qui sont déjà aussi complexes et difficiles pour certains et pas pour d'autres. James Bond 64, je méga galère quoi. Mais c'est un peu les mêmes approches. Il y a pour le coup un phénomène inverse qui m'intéresse aussi. C'est Jérôme Larré qui m'en avait parlé pour la première fois et je trouvais l'approche assez intéressante à propos de Rogue Legacy, la notion de fausse difficulté, c'est-à-dire donner la perception qu'un jeu est difficile parce que le personnage y meurt souvent et en même temps on cumule de l'expérience qui fait progresser le personnage, qui fait que finalement le décès du personnage dans le jeu est en soi juste. Ça, c'est pas la fin du jeu, c'est vraiment juste un petit bout de chemin, mais qu'au bout du bout, le jeu est relativement facile. Il est juste plus long parce qu'il y a pas mal de redémarrages au début du niveau. C'est le cas d'école des RPG. Moi, j'ai un problème avec les RPG. Notamment, récemment, il y a eu Darkest Dungeon qui passe pour un jeu très difficile, etc. Où, moi, j'aime pas quand la difficulté, tu vas pas l'outrepasser avec ton talent de joueur, mais aussi avec ce qu'on appelle du grinding. C'est-à-dire qu'un RPG japonais, t'es bloqué à un boss, tu te dis pas « Ah, je vais retenter plein de fois le boss ». Quand t'as perdu à un boss dans un jeu de rôle informatique, tu dis pas « Ah, je vais le réessayer, je vais mieux jouer ». Tu te dis « Bon, bah, je vais passer 2-3 heures à faire de l'XP et je vais revenir ». C'est Diablo. Hein. Ouais. Foncièrement, c'est Diablo. Hein. C'est à ceci près que Rogue Legacy, c'est un peu différent, parce qu'il faut quand même de la dextérité pour y jouer. Et c'est marrant, c'est une belle illusion. Qui est à la base simplement une sorte d'artifice narratif qui fonctionne bien. parce qu'en fait il y a une vraie continuité, parce qu'il y a une arborescence d'expérience au niveau de ce qu'on construit, de ce qu'on achète, etc. Mais le simple fait que narrativement on nous dise que ce sont des héritiers, ça fonctionne sur le joueur, t'as vraiment l'impression que les morts sont punitifs, tu dis ah mince j'ai perdu, j'ai un autre bonhomme. Ah, mais c'est une belle illusion quand même. Oui, enfin là, en plus pour le coup, Jérôme Larrey suggérait, et un peu ce qu'on a dit en intro d'ailleurs, c'est que la mort est intériorisée dedans, et du coup elle fait partie de la courbe de progression de la personne, enfin courbe de progression, courbe de difficulté, appelons ça comme on veut. Mais d'ailleurs, dans le speedrun de mémoire, c'est là une des trajets optimales, et penser avec la mort, on peut optimiser le personnage suivant. Et comme ça, on arrive à finir le jeu très vite. Enfin, tu me comprends ? Oui, non, c'est exactement ça. Mais du coup, effectivement, il y a souvent l'idée de la mort du personnage, la mort comme sanction. Dans beaucoup de jeux, c'est de la mort, de la défaite. C'est très connexe par rapport à la difficulté, parce que la plupart des jeux, c'est vraiment quelque chose qui... d'où l'importance des systèmes de sauvegarde, mais... C'est vraiment quelque chose qui est très prégnant. Il y a plein de jeux récents qui sont pensés pour que tu meurs. On reparle de Dark Souls, jeu difficile, etc. Quand tu joues pas, parce que les speedrunners, ils meurent pas. Hein, je sais pas si... Enfin, intentionnellement, si. Oui, intentionnellement, si. Mais le jeu est pensé pour que tu meurs. Et du coup, ton petit tas d'expérience est sur place. Si tu arrives à aller le chercher, du coup, tu as gagné l'expérience que tu avais déjà accumulée, plus celle que tu as prise dans le fait d'aller chercher, etc. Et parfois, ça se retrouve dans la couche narrative. Je repense à un RPG PC qui s'appelle Planescape Torment, qui est donc inspiré des règles Donjons et Dragons, je crois que ça va être 2.5 à l'époque qui sort, hein. Et où c'est justement tu joues un personnage d'immortel et en fait le jeu va te demander de mourir, et parce qu'il y a des moments où tu te dis bah, là je vais mourir, comme ça je vais recommencer à tel endroit, mais mon personnage il va se souvenir de tout ce qui s'est passé, est-ce que c'est un immortel qui ressuscite chaque fois qu'il meurt, etc. Et donc c'est vrai que c'est un truc qui maintenant est pensé dans les jeux, de on sait que le joueur va mourir. On va voir comment est-ce qu'il va gérer la mort, etc. Notamment, c'est quelque chose qu'on voit dans Super Meat Boy. L'idée de, bah, on va pas couper ni la musique, ni le niveau quand tu meurs, etc. Le fait que la musique continue malgré le fait que tu meurs, etc. C'est, on a pris en compte le fait que tu allais mourir. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner le joueur dans la mort aussi, un peu, d'une certaine manière, pour que la mort soit quelque chose qui soit pris en compte dans la courbe de difficulté, hein. Je voulais venir à un autre type de jeu. Là, toujours dans le jeu vidéo, pour le coup. C'est les jeux... volontairement pété et du coup est dur. Je pense par exemple à ce jeu d'athlétisme où on doit courir, on doit simuler coup-up, voilà, c'est ça. Tu avais l'air de vouloir... Moi je croyais que t'allais citer Boshi ou ce genre de truc, mais ah, d'accord. Je connais pas Boshi pour le coup. C'est 10 fois plus dur que I Wanna Be The Guy. Parce que déjà, I Wanna Be The Guy est un jeu de plateforme déjà très très très voilà, dur. Voilà, mais les hardcore, les vrais. Ouais, non, c'est rigolo, ceux qui veulent vraiment un gros challenge, I Wanna Be The Guy, c'est trop simple. Mais donc, du coup, sur l'autre jeu mentionné, je peux te laisser répondre, parce que j'y ai pas assez joué, je l'ai un peu en tête, mais... À Coop. Mais ce qu'il y a, c'est Coop, ça, c'est... Le jeu est difficile pour créer du rire aussi, là aussi. C'est la difficulté créée de la situation de ridicule qui est fait pour rire. On pense aussi à Surgeon Simulator, etc. Et qui sont en fait ce qu'on appelle les hyper-simulateurs maintenant dans le jeu vidéo. Où en fait, effectivement, toi, quand tu cours, tu penses pas à utiliser indépendamment tous tes muscles. Mais ce qui fait que tu cours, c'est que tes muscles vont s'actionner indépendamment les uns des autres. Et donc là, Coop, c'est un simulateur de 100 mètres. Tu dois courir le 100 mètres. Mais tu as 4 boutons, K, W, O et P, qui vont actionner indépendamment tes cuisses et tes mollets. Mmh. Et tu dois faire courir avec quelqu'un en disant « Maintenant, tu actionnes ton mollet. Maintenant, tu actionnes ta cuisse. Maintenant, tu actionnes ton mollet gauche. » Maintenant, ton mollet droit, etc. Et sur John Simulator, c'est pareil, tu dois faire une opération chirurgicale où tu contrôles juste une main droite, mais tu contrôles chaque doigt indépendamment les uns des autres. Et après, on va te mettre dans des situations absurdes, en apesanteur, etc. Et c'est aussi, du coup, montrer... Il y a eu une critique déjà de l'idée de réalisme dans le jeu vidéo en disant on va te faire un truc hyper réaliste où tu as une main, tu vas contrôler chaque doigt indépendamment et ça va créer des situations ridicules. Et avec aussi l'idée que comme ça devient très dur... Ça va devenir rigolo à regarder. C'est aussi des jeux à youtubeurs, en fait. Les youtubeurs qui font des jeux débiles dans le genre Goat Simulator, etc., ils font aussi les hyper simulators comme Surgeon Simulator, etc. Comme quoi, la difficulté contribue, quelque part, à la société du spectacle, pour reprendre un peu le terme de bord, etc. Ah bah oui, carrément, dans énormément de pratiques. Parce que pour revenir refaire un aparté rapidement sur le speedrun, ça fonctionne aussi là-dessus. Tous les spectateurs qui connaissent les jeux savent que c'est difficile pour eux. Et comme c'est facile pour une autre personne dont ils sont en train de regarder la performance, ça génère du spectacle, ça peut générer des rires, c'est des émotions très très fortes, qui peuvent être aussi des émotions qu'on pourrait avoir devant une performance sportive ou autre. Enfin voilà, donc c'est, effectivement, c'est vecteur de plein d'émotions et plein de spectacles. Et je me demande, parce que moi je suis assez mauvais en jeu difficile, hein, dans l'ensemble, même en jeu moyen d'ailleurs, je vois qu'il y a, chez un certain nombre de personnes, un plaisir dans la difficulté, un plaisir dans l'échec. C'est quoi ? C'est que les joueurs sont des masochistes ? Ou c'est juste une espèce de Madeleine de Proust où on se retrouve dans l'idée du... Enfin, moi, j'ai souvenir d'avoir vu des vidéos, par exemple, de joueurs découvrant Super Meat Boy et découvrant à quel point c'était difficile et qui avaient l'air ravis de ne pas réussir les niveaux. Je ne comprends pas trop cette logique. Pouvez-vous me l'expliquer ? Bah, y a l'idée de se dépasser. Quand tu te fixes une sorte de challenge, quoi, tu te dis, il va falloir justement que j'apprenne. Y a une dimension d'apprentissage pour résoudre une difficulté. C'est pas simplement en jouant comme ça, de manière détachée. Il va falloir être très concentré, très motivé. Il y a un véritable apprentissage et ça peut être très motivant pour beaucoup de gens. Et ce qu'il y a, c'est que dans la situation de jeu solo, il y a toujours malgré tout un dialogue qui se fait entre le joueur et le créateur du jeu. Et du coup, c'est vrai que notamment... quand tu prends l'exemple de Super Meat Boy, il y a l'idée un peu du twist de difficulté. C'est, t'es déjà dans un jeu que tu trouvais dur, etc. Et là, d'un coup, tu vas avoir un petit pic de difficulté dans ta montée, parce que t'as une nouvelle mécanique, genre tiens, maintenant les scies bougent, ou alors maintenant les scies bougent et t'as une boule de feu qui rebondit à côté. Et là, forcément, tu fais ah, ils m'ont eu. Je pensais que ça y est, je voyais pas ce qu'ils pouvaient faire d'autre pour rendre ça plus dur. Et là, ah mince, ils ont trouvé un nouveau petit twist, un truc. Ils ont juste changé une mécanique qui fait que ah mince, j'y arrive plus. Et du coup, il y a ça aussi le côté qui attire le rire, c'est d'un coup t'as le pic de difficulté et ça te semble absurde d'un coup, etc. Parfois même pas absurde, mais juste tu te dis ah, c'est dur. Je sais que Yann, c'est des réactions qu'il a. Yann, c'est quelqu'un qui rigole devant les jeux difficiles. Ah oui, j'adore, moi ça me fait rire. C'est quelqu'un qui effectivement a ce genre de réaction. Et c'est vrai que parfois tu le mets devant un jeu, puis là il va faire ah, mais c'est trop dur. Et ça va être un plaisir. Parce que il avait des attentes par rapport au jeu, et d'un coup on excède ses attentes. Et ça crée du plaisir. Parce qu'il y a aussi des mécaniques de suspense de mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite pour rendre ça plus dur. Si vous voulez rire, je vous conseille, parce que je suis en train de jouer à Trials Evolution, de regarder les maps Ninja 5. De difficulté Ninja 5, c'est 5 niveaux de difficulté au-dessus de Extreme. Et les gens, en fait, maîtrisent... Je te l'ai pas montré, Dorian. Je vous montre ça après le podcast, mais c'est juste... Moi, j'ai pleuré de rire, j'en pouvais plus, quoi. C'était... Parce que moi, je sais que je le ferais pas, c'était beaucoup trop dur, mais c'était un niveau de difficulté. Ça fait vraiment niveau de fan. C'est-à-dire, les niveaux de fans sont souvent en level design. Il y a plein de manières de faire et de raisons de faire des niveaux, mais parmi les choses récurrentes, parmi les patterns, il y a les niveaux archi-difficiles et qui sont toujours beaucoup plus durs que les niveaux faits par les devs parce qu'eux n'ont pas la volonté de vendre leur jeu. Il n'y a pas d'intérêt économique, il y a pas... c'est du public très niche, quoi. C'est les très très bons joueurs, donc déjà on peut faire ce qu'on veut, et là on procède par addition de difficultés, on est limité par rien, et du coup on se retrouve avec des trucs ahurissants en difficulté, et des fois des niveaux on se demande s'ils sont finissables, enfin on se dit mais oh, c'est pas possible, et là justement ça, on se dit c'est pas possible, et il y a quelqu'un qui le finit, et t'es là, c'est pas vrai. Vous le verriez, il a les yeux qui brillent quand non, mais c'est... ça. Parce que y a, malgré tout, dans la course à la difficulté, il y a le truc de la surenchère. Tout à l'heure Yann disait que Super Mario Bros c'était pas un jeu très difficile, mais qui devenait dur en speedrun. Les gens qui jouent à Mario Maker sont pas tous d'excellents joueurs de Mario, mais tous les niveaux qu'ils vont chercher, c'est ceux où tu as les pourcentages de complétion, combien de joueurs l'ont fini. Et là, ils sont en train de chercher 0,25% de complétion, 0,002% de complétion. Ils vont aller... Même ceux qui sont pas très bons et qui sont pas des cadors de Mario Bros, des cadors du jeu de plateforme, ils vont aller chercher, comme tout le monde, les niveaux où il y a genre 4 personnes dans le monde qui ont réussi à le finir pour voir à quoi ça ressemble aussi. Il y a encore à nouveau effectivement une question de placement social là-dedans qu'on retrouve effectivement sur l'idée du moi je peux y arriver quelque part où oui effectivement il y a très très peu de gens, alors j'imagine que quand il y a 0-0 ça marche pas du tout, qu'il faut qu'il y ait au moins une personne. Ce qu'il y a, c'est que la personne qui crée le niveau est obligée de finir son niveau pour pouvoir le mettre en ligne. Tu n'as pas le droit de faire de niveau que tu peux pas finir. C'est une très bonne idée de Nintendo d'ailleurs. On les salue. Ouais. C'est la première fois, c'est une idée toute bête, mais des fois les idées brillantes, c'est justement des idées qui marchent et qui sont très simples. Et obliger les level designers à finir leur niveau, ça veut dire il est finissable ce niveau. Donc du coup, des fois tu es là, ah, j'arrive pas à finir mon niveau, mais il est génial, mon dieu. Et justement, le niveau à 0%, ce serait le niveau que seul le créateur a réussi à finir. Et puis il y a aussi, du coup, vu que tout le monde crée. Sur Mario Maker, c'est un jeu où tout le monde crée des niveaux. Et tout le monde va jouer au niveau que les gens ont créé. Avec cette course à la difficulté aussi, il y a « Ah tiens, mais comment est-ce qu'il a utilisé les outils pour créer des difficultés nouvelles ?» Et notamment, il y a les niveaux que tu peux finir que quand tu restes petit. Et à ce moment-là, ils font des parcours où juste parce que Mario, tu commences tes petits Mario, tu prends un champignon, tu grandis. ils vont faire des niveaux où juste petit Mario peut prendre les routes et ils vont te bombarder de champignons et du coup le jeu devient d'éviter les champignons qui sont normalement un bonus pour pouvoir finir le niveau. Ou il y avait un autre niveau aussi où dans Super Mario World, quand tu fais la toupie, il y a des ennemis sur lesquels tu peux rebondir. Mais quand tu deviens invincible avec une étoile, tu passes au travers. Et du coup, il y a un niveau où il faut juste rebondir d'ennemis et d'ennemis en ennemis en faisant la toupie. Et là, on va te bombarder d'étoiles pour que tu deviennes invincible. Et à ce moment-là, tu tombes dans le trou. Hein. Et du coup, c'est voir quelles sont les idées pour créer un nouveau type de difficulté auquel on n'avait pas pensé avant et auquel les outils ne nous prédisposaient pas. Mais les jeux intéressants, c'est peut-être les jeux les plus à propos pour répondre à ta question. Tu disais... Pourquoi les gens... Est-ce que les gens aiment se faire souffrir? Alors, je pense pas, évidemment, mais ça a l'air en tout cas de les motiver. Ils trouvent un certain plaisir, soit pendant qu'ils sont en difficulté, ou du moins, ils imaginent une récompense ou un plaisir qui, une fois le challenge réussi, une fois la difficulté dépassée, il y aura une émotion très très forte. Et c'est justement les jeux d'énigmes. Parce que justement, par exemple, je suis quelqu'un qui déteste regarder les solutions. Je sais que toi, par exemple, ça te dérange pas. Si par exemple, si, ça me dérange, mais je le fais quand même. Oui, non, mais voilà. Non, mais foncièrement, c'est-à-dire que tu dis, il est plus important d'avancer dans le jeu pour avoir les nouvelles mécaniques et avoir l'histoire. Tant pis, je fais ce petit sacrifice. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire, par exemple. Parce que, justement, ça... le plaisir, notamment pour les jeux d'énigmes, ça va être de chercher. Alors, c'est sûr, on est toujours content de trouver. Mais des fois, quand quelque chose nous résiste, on dit, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que j'ai oublié, quoi. Et des fois, on en arrive... Moi, c'était le jeu qui était pas mal là-dessus, Talos of Principle, qui échouait sur les couches narratives pour moi. Bon, pas mal de gens l'ont encensé. Moi, je trouve que c'est un peu surestimé. Mais par contre, le jeu a plein de qualités. Je l'ai adoré. Notamment au niveau des puzzles qui, à la base, étaient vraiment des... Il y avait des briques de gameplay extrêmement simples. J'étais très sceptique. Et finalement, le jeu fonctionne bien. Et pareil, il y a des étoiles pour les récupérer. Quand on a récupéré tous les sigils, les pièces de Tetris, les Tetronymos... Et on se dit, mais comment je vais les récupérer? Et on fait des raisonnements ahurissants. Et des fois, on arrive à trouver des solutions qui n'étaient même pas des résolutions émergentes à ce qui était attendu, quoi. Parce que simplement, on n'a pas été frappé par l'évidence de la solution qu'on nous demandait. Et à force de chercher, on a trouvé. Mais on a trouvé un truc qui était carrément hors jeu et on s'en rend compte en regardant les solutions sur Internet après avoir fini le jeu. Mais du coup aussi le rapport à la solution sur Internet, c'est intéressant parce que là pour qui c'est quasiment de la triche aussi en disant bah ouais, mais justement comme il dit, pour toi l'intérêt c'est plus de découvrir les nouvelles mécaniques ou la suite du jeu, etc. Alors que pour lui c'est pour c'est de... Ah, mais je suis ravi quand je trouve les réponses aux énigmes, hein, ouais. Mais quand ça fait 3/4 d'heure à un moment, ça suffit, quoi. Ouais, mais lui ça peut durer longtemps, enfin quand ça fait 20 ans. Alors, lui c'est cœur de vandale. Lui c'est de cœur de vandale. Ça fait 20 ans qu'il est bloqué sur Lolo 3 sur Nintendo. Après j'y rejoue tous les quelques mois, je le relance, mais c'est vrai que je... tant pis. C'est... Donc oui, mais il y a ça aussi. Moi, je comprends le truc de Manuel. C'est il y a aussi au moment où quand la frustration devient insupportable, je suis content que le jeu vienne m'aider ou que d'autres gens viennent m'aider. Il y a des jeux qui le font. Donc il y a des jeux qui le font en disant voilà, t'es mort 40 fois dans le niveau. Je te propose un bonus qui va faire que le niveau va devenir gratuit, soit le jeu va carrément jouer à ta place. Il y a les jeux Nintendo maintenant font ça. Si tu passes un certain seuil, si t'es mort 10 fois dans les New Super Mario Bros, tu vas trouver un bonus qui fait que le jeu va jouer tout seul. Le premier jeu où je l'avais vu, c'était Donkey Kong Country Return, justement, où carrément il y a un ghost, hein, qui va nous montrer la solution pour justement qu'on voit les étapes. Talos Principle, il y a ce principe aussi. Il y a des messagers qui peuvent venir nous aider pour résoudre des énigmes si vraiment on est trop bloqué. Parce qu'en fait, c'est toujours un paradis. La difficulté, c'est là qu'on est. On revient sur une question centrale en termes de game design, c'est que ça a l'air de motiver les joueurs, c'est vecteur de plaisir, si c'est bien dosé. Le problème, c'est qu'on a aussi envie que le jeu se déroule, parce que si on a fait tout ce travail, toute cette histoire et toutes ces mécaniques, on a envie que les gens les voient, quoi. Et c'est les fameux, par exemple, sur les MMO, les World of Warcraft ou autres, c'était la frustration de certains level designers ou game designers d'avoir fait du contenu, d'avoir bossé pendant des années. Il n'y a que 1% des joueurs qui vont pouvoir aller à ce donjon parce qu'il faut être stuffé, faut être dans une guilde, faut être stuffé comme il faut et être très très bon. Et du coup, la question se pose, c'est du coup, mais ça devient en fait une porte. Il y a ceux qui vont le voir, une petite minorité, ceux qui vont réussir, et la grande majorité des joueurs qui du coup ne vont pas y aller, ne vont pas profiter de ce contenu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre les vannes? Mais du coup, il y a moins de challenge, et c'est pour ça que c'est une vraie question qui est centrale dans beaucoup de jeux, pas tous, parce qu'il y a plein de jeux qui ne se posent pas cette question parce que c'est pas pertinent. Et heureusement, mais il y a quand même la plus grande partie des jeux, si on ne va pas vers les jeux expérimentaux, si on reste sur la scène indépendante, c'est encore une question très cruciale, parce qu'on est très sur accomplir des tâches avec des mécaniques qui s'empilent. Parce qu'après, là, il y a des distinctions qu'on fait, parce qu'on est dans l'analyse, et on a tendance à parler du jeu de plateau, là, effectivement, quand on parle de Dice Stories, Dixit, etc. Jeu narratif, jeu un peu à mécanique, c'est des trucs qui sont un peu coupés les uns des autres. Dans le jeu vidéo, maintenant, tous les jeux ont une couche narrative. Et du coup, ne pas pouvoir aller à la fin du jeu parce qu'il est trop dur, c'est comme si tu étais dans une salle de cinéma en train de regarder un film, et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive en disant « Vous êtes un public trop mauvais, vous n'aurez pas la fin du film. Au revoir. » Oui, j'entends bien la difficulté justement à ce genre de conception de jeu. Inversement, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés adaptatives. Moi, ça m'a frappé dans des jeux de course, en particulier les Mario Kart, où j'avais l'impression que quel que soit mon niveau de progression en tant que joueur, le deuxième, il était jamais loin derrière moi. Et il me semble qu'il y a un certain nombre de jeux comme ça où l'ordinateur adapte pour te pousser aux fesses quelque part. C'est-à-dire qu'il est un peu moins bon que toi, mais il suffirait de pas grand-chose pour qu'il te rattrape. Ça fait même des tactiques de jeu, en fait. Ce qui se passe, c'est que les CPU, donc les intelligences artificielles du jeu, se calent sur le premier en termes de vitesse, etc. Et notamment dans les vieux Super Mario Kart, notamment celui sur Super Nintendo, être premier et prendre beaucoup d'avance, c'est une stratégie pour battre ton adversaire, parce que du coup, les IA vont devenir beaucoup plus agressives et beaucoup plus rapides aussi. Et du coup, effectivement, parce que ce qu'il y a, c'est que Super Mario Kart, le jeu vise à faire un jeu de course, malgré tout, convivial, où il y a des mécaniques qui font que le dernier est plus récompensé que le premier tout le temps, ce qui fait que... Parce que le but, c'est de créer des situations rigolotes dans Super Mario Kart. Tu prends un jeu comme Trackmania, comme on parlait de Trackmania Nation, il n'y a pas des trucs comme ça, il n'y a pas de collision entre les trucs. Le but, c'est de faire le meilleur temps. Point. Quoi, il y a pas de banane. Non. Et puis là, il y a pas de toutes les autres voitures sont des ghosts, ils sont en train de jouer en même temps que toi sur le truc, mais il y aura pas de collision, tu peux pas rentrer dedans, tu peux pas faire chier tes voisins à part si mais ouais, c'est le but, c'est de faire le meilleur temps. C'est un bon exemple Trials, parce que justement les maps sont triées par difficulté et on va pas toujours tous les joueurs vont pas avoir la volonté de finir tous les circuits. Et donc il y en a qui vont vouloir terminer les circuits easy, medium, ou hard, ou extrême, ou ninja, etc. Et on voit bien que voilà, la communauté va réagir différemment selon ce qu'on lui propose. Et c'est un bon exemple, il y en a qui vont commencer à chercher des niveaux extrêmement difficiles, moi, qui en l'occurrence s'appellent les Ninja 5 que j'ai mentionné tout à l'heure, ou certains vont plutôt revenir sur les niveaux plus medium, hard, et faire des bons temps en fait, et du coup... trouver en fait une difficulté adaptée ou un objectif adapté en termes de pratique, c'est un bon exemple par rapport à ça. Moi, il y a un truc qui m'impressionne depuis tout à l'heure quand je vois parler de jeux difficiles, de niveaux difficiles, et notamment par exemple dans des trucs comme Trackmania où on peut ajuster sur « Ah ouais, tel niveau je l'ai fait, tel niveau je l'ai fini, etc. » C'est qu'il y a quelque chose de l'accomplissement, de motivation personnelle et pas mal un peu de la gestion de projet, on en parlait un peu avant. C'est voilà, rayer sur une liste. Ça, la to-do list. Ouais, ouais, c'est exactement. Ça. Et je sais que, en tout cas, Super Meat Boy, c'est un peu ça, quand même, de dire « Ah tiens, tel niveau je l'ai fait. » Après, bon, le truc est assez linéaire, mais... Alors c'est marrant parce que je sais pas... C'est intéressant en tout cas. Il y a quelque chose de l'accomplissement personnel. Ça c'est sûr. Mais par contre, je sais que moi, je n'ai pas une to-do list des jeux que je dois faire ou des challenges que je dois dépasser. Je ne sais pas, ça c'est sûr. Mais ça reste en fait intéressant parce que au moins un certain niveau de description, c'est vrai, il y a quelque chose de l'accomplissement, du dépassement de soi. On a réussi enfin à surmonter ce qu'antérieurement on n'arrivait pas à résoudre ou à faire. Et du coup, on voit le chemin parcouru. C'est ça qui est magique, quoi. Et moi, je pense aussi, quand on parlait des systèmes de classement tout à l'heure, parce qu'il y a la difficulté, c'est aussi des manières de... parce qu'on donne des motivations aux joueurs. On leur fixe un objectif, il est plus ou moins difficile à atteindre, etc. Et dans les classements, dans Trackmania, moi, c'est la première fois où j'ai découvert ça. Même si maintenant, c'est un peu un truc qu'on trouve dans tous les systèmes Elo. Mais le fait qu'on va avoir truc, on va te mettre tous tes rangs en fonction de la zone géographique où t'es. Et où là, tu te rends compte que t'es tel millionième joueur mondial... « Eh, mais t'es dans les 200 000 premiers Français. Eh, mais je suis dans les 5 000 premiers en Bretagne. Eh, mais je suis le plus fort à Fougères. » C'est... ouais. T'es peut-être le seul joueur, hein, mais c'est... Bon, voilà, en une heure, on aura pas mal réfléchi sur la difficulté. Donc, si vous trouvez des jeux trop difficiles, bah, maintenant, vous serez comme moi, vous n'aurez plus honte. Mais en tout cas, j'espère que vous-même, ça vous donnera l'occasion de réfléchir sur la difficulté des jeux auxquels vous jouez, sur votre rapport à cette question-là. Cœur de Vandal a une réflexion. C'est un dernier aparté, en fait, parce que... On n'aura fait que des apartés aujourd'hui. Ouais, c'est ça, mais voilà, c'est pérégrination autour de la difficulté. Mais quoi qu'il en soit, vous avez parlé de paradigme, une sorte de paradigme narratif, au sens il faut que tous les jeux aient une histoire, et donc du coup maintenant on va peut-être baisser la difficulté, ou du moins y réfléchir pour que les gens aient au bout de l'histoire. Mais il y a l'autre paradigme, le paradigme réciproque, qui est complètement vrai, c'est qu'il y a une sorte de culpabilité à de la plupart des game designers à se dire c'est quand même des jeux, il faut qu'il y ait des mécaniques et donc de la difficulté. Et par exemple, je joue à Life is Strange récemment qui a des qualités qui auraient pu être très très bons s'ils s'en étaient tenus au choix multiple, à la couche strictement mais narrative, quoi. Tu sais, tu fais des choix, t'es pas pressé, tu fais A, tu fais B, tu fais machin. Et il y a quelques moments pris par une petite culpabilité dévorée, ils ont dit quand même, on va faire, il faut qu'ils aient de la mémoire pour mémoriser 4-5 trucs d'affilée ou faire quelques trucs avec un tout petit peu de dextérité, un tout petit peu, mais moi ça m'a complètement coupé du jeu. C'était genre pour nous rappeler, ah, c'est quand même un jeu vidéo, faut qu'il y ait des mécaniques et qu'il y ait un peu de challenge, quoi. Et des fois c'est triste, on tombe dans les deux écueils en fait, deux paradigmes, trop facilement malheureusement. Et bien cette remarque sur Life is Strange, on y arrivera, nous amène à la dernière question de ce podcast qui s'adressera et à Cœur de Vandal et à Dorian. En l'occurrence, toi tu y as partiellement répondu, Cœur de Vandal. La question c'est: à quoi vous jouez en ce moment? Oh là là, alors moi je joue à beaucoup de trucs. Alors en ce moment on a dit, hein. Ouais, ces temps-ci quoi. Ouais, ces temps-ci, ces deux dernières semaines quoi. Ok. Et bien 12 jeux. Non, en fait, mais je vais terminer, mais c'est assez logique, c'est parce que ces derniers temps, je préparais la troisième saison de Ultimate Décathlon, donc j'ai dû tester à mort une dizaine de jeux. Alors, c'est quoi l'Ultimate Décathlon pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas déjà, les quelques dizaines qui ne connaîtraient pas déjà? En gros, c'est démocratiser la pratique du speedrun et amener des gens, soit déjà qui s'y connaissent ou des gens qui s'y connaissent pas, à apprendre une dizaine de jeux, apprendre le speedrun d'une dizaine de jeux. Il y a une communauté sympa et nous, on fait des tournois, en gros, en donnant des points, un système de score, en gros, qui vient par-dessus en gros le système du jeu, comme ça permet de faire plusieurs jeux et de se qualifier ou pas, ou faire des trucs. Et en gros, du coup, je joue à Left 4 Dead 2, Trials Evolution, Trackmania, bon, il y en a 10, et Life is Strange, mais ça c'est pas dans le décathlon, ça c'est pour mon plaisir, pour faire un jeu un petit peu différent qui a ses qualités mais qui a aussi son lot de faiblesses à mon sens. Dorian? Alors moi j'ai récemment fait une grosse session de jeu sur un jeu qui dure une petite dizaine d'heures, mais que j'ai fait en une après-midi plus une nuit, qui est Waking Mars, un jeu qui m'a été conseillé par CDV justement. J'ai joué aussi. Qui a joué sur pas mal, hein. Oui. Moi j'ai joué sur PC, ouais. Et ou qui est très intéressant du coup, parce que la couche mécanique et la couche narrative vont complètement ensemble tout du long. En plus, c'est en science-fiction ce qu'on appelle de la hard science, c'est-à-dire que tout est scientifiquement crédible. Et du coup, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans le jeu vidéo. Hein. Et donc, j'ai fait ça. Et sinon, en ce moment, je joue à Deadbolt, qui est un jeu d'assassinat où tu joues un type qui travaille pour la mort et qui en a marre qu'il y ait une drogue qui ressuscite les gens. Et donc, tu vas tuer des zombies dans un jeu vu de côté qui est un peu, pour ceux à qui ça va parler, du Hotline Miami, mais sur un rythme plus lent, qui va plus mettre l'emphase sur la préparation de ton assaut de cette bande de zombies que sur la réalisation en elle-même. Oh bon, ça tombe bien, ça faisait au moins 5 numéros qu'on n'avait pas cité Hotline Miami, Adrien doit être content. On vous remercie de nous avoir écoutés pour ce premier podcast enregistré à Fougères dans la série 2. Vous pourrez découvrir le prochain d'ici 15 jours, à ce moment-là vous pourrez aussi en découvrir la thématique. En tout cas, on espère que cette petite discussion autour de la difficulté avec de multiples apartés vous aura intéressé. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à jouer à des jeux difficiles, moins difficiles, pas difficiles, trop difficiles, enfin jouer c'est surtout ça qui compte.